Yeah, ha. Fast food music. Yeah, ha. Mais c'est le cas la ghetto rockstar. Ok, hein. LM remix à la prod, bande d'enfoirés. Original Bunker Bros. Yeah, il valait. Ok. DVS, yeah. J'ai commencé le peur à 10 ans, frère. J'suis pas de ceux qui visent l'enfer. J'ai esquivé les trucs et toutes les putes qui font prendre 10 enfers. J'suis pas un galérien qui par jour filme 95. J'ai pas compté, mais j'crois que j'suis dans la rue depuis 95. J'ai fait des trucs bizarres, c'est qu'à un moment il fallait. J'évolue dans le passé et dans ma tête j'me crois et il valait. La sincérité crame comme ma grosse pute dans un altar. J'tiendrai Facebook au jus quand j'irai bien dans mes converses All-Star. Tu m'attrapes sur Twitter, sur Facebook ou MySpace. Moi j'veux la vie d'Elvis et pas chialer lorsque la mice perd. J'me noie dans la musique, déçu des meufs comme Orelsan. J'suis peut-être le Karcher qui viendra nettoyer vos oreilles sales. Y'a pas à dire, on sait que le fond, la forme, j'suis pas la mode. J'suis le seul rappeur de France qui pourrait rapper sur du Paramore. Moi et la chance, j'peux dire qu'on vit d'amour et d'absinthe. Si ma vie serait un film, ça serait Destination Finale 5. Si ma vie serait un film, ça serait Destination Finale 5.